Chapitre 4. Ai-je besoin d'ajouter que j'exécutais fidèlement l'étrange message dont m'avait chargé la jeune femme, et aussi que du sous-officier de moi, ce n'était certes pas lui le plus ému. Ce garçon ne répondit rien, et je crains fort qu'en le sauvant de la servitude disciplinaire que lui valut son vol, Madame de Maigret n'ait été aussi imprudente que généreuse. C'était sur le débarcadère de Porquerolles que je lui parlais ainsi. L'expression rauque de son visage creusé se fit plus rogue encore. Il haussa ses épaules d'un mouvement qui signifiait sa révolte aussi nettement que si sa bouche amère eût répliqué à la charité si spontanée, si noblement instinctive de la comtesse. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Le véritable coquin n'a jamais de plus bas sentiment dans le cœur qu'en présence de certaines indulgences. Il y voit de la lâcheté, de l'hypocrisie, quelque chose surtout qu'il ne comprend pas, et qui l'irrite à une place singulièrement profonde. Pour s'en aller comme celui-ci s'en alla, son képi enfoncé plus avant, son bissac chargé sur son épaule d'un geste brutal, le profil insulteur, le corps plus déhanché, la jambe plus traînante, avec une allure soulignée de voyous et de guapes, il fallait qu'il n'en fût pas à son coup d'essai, et que la vie de garnison, puis la campagne coloniale, eussent fait de lui ce qu'elles font de ces gens-là, quand elles ne les amendent pas, un véritable brigand. Le capitaine qui le regardait partir, lui aussi, exprima tout haut ce que je sentais, et son exclamation me prouva une fois de plus la lucidité de son coup d'œil. Quand on pense que tant de braves gens y sont restés dans cette dure guerre, que des fortes têtes comme cette crapule en réchappent. Si l'on n'avait pas retrouvé la bourse, je l'aurais arrêté sur sa gueule, enfin, puisque cette bourse est retrouvée. Les yeux bleus du vieux marin clignèrent ironiquement. À son tour, il haussa les épaules et se mit à chantonner entre ses dents, tout en baquant à sa besogne. Il avait flairé la vérité, mais que lui importait, du moment que la perle et son équipage demeuraient indemnes de soupçons. Qu'une jolie femme eût un caprice de charité, comme celui qu'il devinait chez sa passagère, il devait trouver cela un peu bien naïf, mais naturel. Pouvait-il, malgré sa perspicacité méridionale, soupçonner ce que moi-même, avec des données plus significatives, je compris seulement le soir, en bavardant avec mon hôte de Porquerolles. Le peu romanesque Arthur de Baltine, l'homme fusil, comme on l'appelle à son cercle, car il est bien rare qu'il parle autre chose que chasse ou que cuisine. Nous avions dîné en effet supérieurement dans l'espèce de tournebride du dernier siècle où il était installé pour la saison. Nous avions eu des rougets de roche, comme il n'y en a que dans ces criques perdues de la Méditerranée, des rennes d'eau plus fine que des bécassines, des artichauts du midi tout petits, sans foin, si tendres que le cœur semble se prolonger jusqu'au bout des feuilles, des fraises du potager en février, enfin un chef-d'œuvre de repas rustique relevé encore par un appétit de 12 heures passées en plein air, dont 5 sur l'eau. Madame de Maigret n'était pas descendue pour prendre part à ce modeste mais délicieux festin. Son mari l'avait excusée sur la fatigue du voyage, mais sa mauvaise humeur à lui, en s'asseyant à table, ne m'avait pas laissé de doute. Il soupçonnait la vérité sur l'épisode de la bourse d'or. Probablement, il avait demandé quelques détails, peut-être à voir le bijou. Et probablement aussi, par horreur du mensonge, Madame de Maigret lui avait dit sa pitié, sa peur d'être la cause d'une condamnation, son irrésistible et soudain parti pris de sauver le voleur. Elle ne s'était pourtant pas cru le droit de me mêler à son aveu. Le comte n'eût pas été à mon égard aussi indifférent qu'il le fut à ce dîner, durant lequel il mangeait d'ailleurs comme s'il eût chassé tout le jour. Il buvait par grande rasade un certain vin rouge de Porquerolles, d'un bouquet pareil à celui du Châteauneuf-des-Papes, autant où ce cru n'avait pas été touché par la maladie. Bref, en se levant de table, il était parfaitement gai. Nous étions tous sortis de la maison, le dit Maigret, Baltine, le curé de Lille qui avait dîné avec nous, et moi-même, afin de jouir de l'admirable nuit provençale, toute parfumée d'un arôme de rose, de narcisse et de violette. Nous suivions le sentier qui va vers la baie, en face du rocher de Bago, avec une douce vallée autour de nous, cernée de hautes montagnes et comme floconneuse d'oliviers sous la lune. Maigret Fajac marchait avec le vieux prêtre. Il fumait un de ses forts cigares. Nous le voyons cheminer en avant de son pas lourd, et nous l'entendions rire haut. Je sens encore le bras d'Arthur de Baltine prendre mon bras, et il me dit, en me montrant le comte, « Y a-t-il commun, l'animal ?» Et il aura fait encore ce soir quelque avanie à sa charmante femme. Il a toutes les chances avec cela. Il a bu comme un templier, Et demain matin, si vous croyez que son fusil tremblera, pas le moins du monde. Il a brutalisé la comtesse, et si quelqu'un essayait de la consoler, ce qu'il serait ramassé. Alors elle n'a jamais fait parler d'elle, demanda Javaltine. Malgré moi, l'idée qui m'avait une minute traversé la tête venait de me ressaisir. Elle, répondit-il, jamais. Et pourtant, à ma connaissance, elle a inspiré des passions folles. Entre autres, à ce pauvre Tilly. Vous ne l'avez pas connu, Edgar de Tilly. Mais vous avez lu son nom dans les journaux ces temps derniers. Il est mort des fièvres à Madagascar, où il avait demandé à partir à cause d'elle. Et dans quelle arme servait-il? Interrogeai-je. Il était lieutenant de chasseurs. Un être délicieux, beau, élégant, brave comme une épée et romanesque. Elle n'y a même pas fait attention, et comme il l'aimait. Mais l'a-t-elle seulement su? Insistai-je. J'ai connu des gens qui disaient oui, d'autres qui disaient non, reprit Baltine. Moi, j'ai ma petite idée. Je suis convaincu qu'Edgar s'est déclaré un beau jour qu'elle l'a tout simplement, pour parler français, mis à la porte. C'est le mot de son départ là-bas. Il faut pourtant bien l'expliquer, ce départ. Puis, avec son ironie bon enfant, il n'y avait qu'un seul homme capable d'être amoureux comme au temps des croisades, et il est allé tomber sur cette femme-là. Le ton avec lequel Baltine venait de prononcer ces derniers mots disait le mélange assez comique de respect et de regret que lui inspirait la vertu indiscutée de Madame de Maigret-Fajac. Il se tut et moi je ne lui répondis pas ce que je pouvais lui répondre, ce qui m'apparaissait si clairement, tandis qu'il me parlait et que je me ressouvenais les divers incidents du voyage. J'aurais cru profaner en les racontant les mystérieuses émotions que je devinais chez cette femme si pure et si pieuse. Je regardais la pesante silhouette de ce buteur de Maigret qui emplissait toujours le chemin. Je me rappelais son irascibilité du matin et de ce soir, et je me disais que les jaloux ont parfois de bien étranges divinations, à moins que, par scrupule religieux, et pour mettre entre elle et le jeune homme quelque chose d'irréparable, la comtesse n'eût confessé à son mari la déclaration qu'elle avait reçue à l'époque où elle l'avait reçue. Alors, en osant sauver, comme elle avait fait, le soldat voleur qui avait vu mourir Edgar de Tilly, quelle preuve d'amour elle avait donnée elle-même au souvenir du jeune homme, mort là-bas, pour l'amour d'elle, et qui n'en devait jamais, jamais rien savoir. Ainsi s'achève Charité de femme par Paul Bourget.